qui se prête à deux visages. Il y a l'ombre et le feu. De vous à moi, je suis volage. Et je dérive au mieux. Personne ne sait ce qui ne sait rien.